Très bien, la bof nouvelle du jour. Là, j'ai l'impression d'être hyper... Oh. Hyper fou, ouais, voilà, merci, merci. Jingle. Non. Oh non, ouais. Bof nouvelle du jour, c'est-à-dire une nouvelle qui ne nous fait à peu près ni chaud ni froid, qui nous fait tiède, mais le tiède, c'est bien aussi. Donc, ça nous vient de nouveau du National Geographic, vraiment, c'est un journal merveilleux. Une étude sur le cannibalisme révèle que la viande humaine ne serait en fait pas très nutritive. Donc un nouveau regard porté sur la valeur nutritionnelle de la chair humaine montre que par rapport aux autres proies du paléolithique, les humains n'étaient pas particulièrement caloriques pour leur taille. Selon ces estimations, les viandes de sanglier et de castor représentent environ 1800 calories pour chaque portion de 500 grammes de muscle contre 650 calories pour un humain moderne. C'est à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de notre taille et de notre musculature par rapport aux autres animaux. Dans tous les cas, manger des carottes, ça va très bien aussi. C'est dommage quand même. Alors je suis sur le site laviande.fr qui détaille les valeurs nutritionnelles de certaines viandes un peu plus communément consommées. Mais pas tout le monde aime la viande, mais je tenais quand même à faire cette petite blague dont nous avions parlé hier. C'est quoi ? Emma, tu aimes bien ta grand-maman ? Oui. Alors, resserre-toi du rôti. Non. Finis ton assiette. Voilà. Oui, finis ton assiette, oui. Bon, voilà. Et c'était, oui, trop fort. Désolé. Voilà. Mais le cannibalisme n'est pas le propre uniquement de l'humain. Il y a d'autres formes de cannibalisme dans le monde animal. Des insectes qui se mangent pour différentes raisons. Le cannibalisme parental, le cannibalisme sexuel. J'ai peur. Oui, mais enfin voilà, mais c'est pas très commun, cela dit. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on vous conseille de faire, même si votre animal totem est la mante religieuse. Sachez que c'est pas un truc à faire avec vos amis. Voilà. Très bien.